Monsieur de Phocas, de Jean Lorrain, septième partie. Le Sphinx. 9 novembre 1898. Thomas Welcome sort de chez moi. Je suis encore sous le charme et en même temps je me sens plein d'effroi. Thomas Welcome vient de risquer auprès de moi la démarche la plus imprévue, la plus déconcertante et la plus amicale. Mais quel mobile a pu l'amener, lui qui me connaît à peine et que j'ai vu pour la première fois, il y a 3 jours, à cette horrible fumerie d'opium organisée par Étal? Quel mobile a pu l'amener aux confidences et à l'espèce de tentative de sauvetage qu'il est venu faire auprès de l'étranger et de l'indifférent que je dois être et que je suis pour lui? Je cherche et ne m'explique pas. Une irraisonnée, une spontanée sympathie. Je n'y crois pas. Mon aspect est répulsif, à première vue. J'effare et j'inquiète. Et puis il y a mes légendes. Mieux, j'éloigne de moi. Sympathique, il n'a pas prononcé le mot. Et s'il l'eût prononcé, je l'eusse mis dehors. Être sympathique. Il simpatico forestiere, dont vous abordent autour de la loggia les interprètes des hôtels de Florence et à Naples les ruffians de la galerie Umberto. Cela eût été indigne de Sir Thomas Welcome et de moi. Un ressentiment contre Étal, une haine soudaine du peintre, car sa démarche desservait plutôt Claudius. Mais Étal m'a dit que ce Welcome était son meilleur ami, et puis je sens bien qu'il existe comme une complicité, quelque chose d'irréparable et d'obscur entre ces deux hommes. De la pitié, alors? Une pitié pour moi? Je n'aimerais pas cela. Et si c'était une dernière manœuvre d'Étal pour me troubler, m'affoler davantage, précipiter l'espèce de folie au milieu de laquelle je me sens enserré? Étouffé comme dans un filet tissé maille à maille, par l'affreuse main, la main de proie et de volonté, bossuée d'horribles bagues, de cet anglais sinistre. Si ces deux êtres étaient d'accord pour me berner et me pousser plus avant dans le gouffre, où Claudius me veut, et cela par le soupçon et la terreur, je ne sais plus où je vais, je ne me ressaisis plus, je tournoie. Et me heurte, et me sent trébucher dans de l'embûche et de l'épouvante. Depuis cette dernière soirée dans l'atelier d'Étal, les figures de cauchemar et les hallucinations de cette honteuse nuit, je n'ai pas retrouvé mon âme. 15 du même mois, j'ai réfléchi à la visite de Thomas Welcome. Non, cet homme ne me veut aucun mal. L'espèce d'élan qui l'amenait vers moi était sincère. On ne ment pas avec ces yeux-là. Il nage dans une telle tristesse. La pitié attendrie et l'immense bonté du regard, dont je me sentais enveloppé pendant qu'il me parlait, le ton d'angoisse dont il a nuancé sa question. Il y a longtemps que vous connaissez Étal ? Et l'espèce de soulagement que tout son visage a reflété à ma réponse. Depuis 5 mois, c'était l'expression de joie dont s'illumine un visage de médecin en apprenant que le mal de son client est de date récente, encore curable. Comme un espoir a refleuri dans ses yeux quand je lui ai dit « Depuis 5 mois ». Sans trop insister sur les mots, sans trop appuyer sur la plaie, comme il m'a fait comprendre en quelques phrases qu'il connaissait et plaignait mon mal. Que lui-même en avait souffert, quel danger avait été jadis. Pour lui, Étal, quel péril il était maintenant pour moi. Un grand, un très grand artiste, un esprit curieux et un ami très sûr, mais dont la bizarrerie est pis que la bizarrerie. L'amour des bizarreries, de l'anormal et de l'étrangeté peuvent devenir funestes, insensitifs, comme un être d'imagination. Un homme qu'il faut écarter de sa vie pour peu qu'il soit susceptible d'y prendre une influence. Non que j'ajoute foi aux légendes en circulation sur Claudius. ici et à Londres, est bien moins accrédité à Londres qu'à Paris. Paris où, vous autres Français, avez la manie des racontars et des histoires colportées sur les uns et les autres. Mais il n'en demeure pas moins vrai que mon ami Clodius a d'étranges curiosités. L'horrible l'attire, la maladie aussi, l'entorse morale et la misère physique, la détresse des âmes et des sens sont pour lui un champ d'expérience affolante, grisante, une source de joie complexe et coupable, auquel il se complaît comme pas un. Il a pour le vice et les aberrations plus qu'une curiosité de dilettante, une prédilection innée, l'espèce de vocation fervente et passionnée qu'ont pour certains cas peu connus, et les maladies rares, des tempéraments de savants et de grands médecins. Il les épie, les recherche et les choix. C'est un collectionneur de fleurs du mal. Vous avez vu quelle divine collection d'orchidées il avait su réunir chez lui l'autre soir. Soyez certain que cette exhibition de vices cosmopolites, parquée toute une nuit dans son atelier, a été une des belles soirées de sa vie. D'ailleurs, il a, pour les découvrir, un flair de chasseur indien. Il va au vice comme le pourceau à la truffe, et le renifle avec bonheur. Le fumet des déchéances l'enivre. Il les comprend toutes, et les aime compliquées et profondes. C'est un voyeur, d'âme malpropre, comme vous dites en France. Voyeur est bien le mot. Dire que ces fleurs de criminalité étalent, les cultivent et les développent, comme on l'a accusé à Londres, de cultiver chez ses modèles la pâleur, l'anémie, la phtisie et la langueur, et cela par amour. Artiste de certains tons nacrés et de certaines cernures, certaines expressions de regard et de sourire, souffrances devenues des beautés par des crispations de bouche et des faneries délicates de paupières et de teint. Non, ce serait, je crois, pousser trop loin une légende, hélas, établie et prêter aux fantaisies d'étal une grandeur tragique qu'elles n'ont pas. Il n'empêche que notre ami Clodius est une assez belle âme d'empoisonneur, et d'empoisonneur pour le plaisir. C'est un exili psychologique, les seuls exilis que permet aujourd'hui le rouage des lois. Mais il a cela en sa faveur, qu'il opère surtout sur les gens déjà malades, et n'achève en somme que des condamnés à mort. Locuste expédiait ainsi les esclaves par le poison devant l'Augustule, désireux d'en admirer les effets. Mais Étale est à la fois l'empoisonneur et le César. C'est à lui-même qu'il offre de merveilleux spectacles. Il dépravera très bien quelqu'un pour voir jusqu'où ce quelqu'un mènera la flambée du vice. Il y en a qui vont jusqu'au meurtre. Mais il ne faut pas que le duc de Fréneuse soit ce quelqu'un-là. J'aurais pu l'être. Sir Thomas avait prévenu mon mouvement. Comme vous, le rêve m'a possédé. Le rêve m'a tenu halluciné, inconscient, sans autre volonté que celle de ce rêve prolongé. Annihilé, engourdi comme vous pendant de longues années, j'ai été un misérable dormeur éveillé. Je passais alors tous mes hivers, soit à Alger, soit au Caire, ou à Tunis, comme vous captif d'un regard, d'un introuvable regard, du regard même de la déesse qui trouble et hante le sommeil de vos nuits. Pendant 10 ans j'ai parcouru l'Orient à la recherche de l'obsédante et délirante vision d'un soir d'insomnie et d'extase. Et la déesse, celle-là même qui vous apparaîtra un soir ou un jour, si vous ne combattez pas votre rêve, la déesse m'a toujours menti. Un amoureux de fantôme, oui, voilà ce que j'ai été 10 années de ma vie. Voilà ce que vous êtes et deviendrez plus incurablement encore, si vous n'y mettez bon ordre, monsieur, car le regard est introuvable, et Astarté est une stryge, dont l'essence même est le mensonge, et mentira toujours qui a déjà menti. Ce regard, pourtant un hiver, j'ai bien cru, il y a 4 ans, une nuit sans la lune sur le Nil, les rameurs de la Daï biais, enfin endormis, nous descendions lentement, oh si lentement, le cours du fleuve aux eaux stagnantes. Je vois encore l'immense paysage d'Égypte, fuyant à perte de vue, infiniment plat, infiniment roux, à peine nuancé, descendre sur le bleu profond de la nuit. Cette nuit-là, j'ai cru qu'Astarté allait m'apparaître. La déesse, enfin, allait se révéler. Nous descendions le Nil. Depuis une heure, je regardais curieusement surgir et grandir, à un coude encore lointain du fleuve, un étrange point noir, quelque entablement d'ancien temple, ou peut-être tout simplement une roche baignant ses assises dans l'eau. La dahaïbier glissait lourdement, lentement, sans oscillation, comme dans un rêve, et lentement dans le silence de la nuit sans étoiles, l'ombre qui m'intriguait s'approchait, prenait forme, et devenait, car elle se précisait maintenant, la croupe d'un énorme sphinx de granit rose, au profil effrité par des siècles. Tout dormait à bord d'un sommeil vraiment déconcertant. Tout l'équipage tombait dans une torpeur de plomb. Et le mouvement de l'embarcation, s'approchant de la bête immobile, m'emplissait d'une terreur grandissante, car le sphinx, maintenant, m'apparaissait lumineux, comme une clarté vaporeuse émanait de sa croupe, et dans le creux de son épaule, un être se distinguait, debout, la tête renversée et dormant. C'était une forme jeune et svelte, vêtue comme les âniers félins, d'une mince gandoura bleue, avec des anneaux d'or aux chevilles, la forme adolescente ou d'un prince ou d'un esclave, car l'attitude de ce sommeil offert était à la fois royale et servile. Royale de confiance, servile de complaisance et de savant abandon. La gandoura s'ouvrait sur une poitrine plate d'une blancheur d'ivoire, mais au cou saignait comme une large entaille une cicatrice ou une plaie. Quant à la face, je la devinais délicieuse, rien qu'à l'ovale aminci du menton, mais appuyée en arrière, elle baignait dans l'ombre. Épouvanté, j'appelais à grands cris sans pouvoir réveiller personne. Équipage indigène et gens de service anglais, tout était terrassé par un sommeil magique. Ils ne s'éveillèrent qu'à l'aube. Le sphinx disparut, déjà loin. Quand le lendemain je racontai mon aventure, il me fut répondu par le drogman que ce devait être quelque ânier félat, égorgé par les bandits arabes qui abondent dans ces parages. L'enfant tué, ils avaient posé là le cadavre pour avertir les voyageurs. Ironique et salutaire enseignement. Mais ce sphinx lumineux, l'intense clarté douce et comme musicale dont s'animait le granit rose, et la beauté surhumaine de la figure, endormie dans son ombre, comment l'expliquer? J'avais, je l'avais senti, traversé une minute enchantée, vécu quelque instant d'une vie miraculeuse, divine, et si décevante, pourtant. Étal m'affirma que j'avais rêvé, car naturellement Étal était à bord, exaspérant ma sensitivité, suggestionnant ma songerie maladive. Vous voyez que vous n'avez rien à m'envier, monsieur, et que j'ai été autrefois un misérable tout aussi torturé que vous l'êtes maintenant. Sir Thomas Welcome. Partir vers le soleil et vers la mer, aller se guérir, non, se retrouver dans des pays neufs et très vieux, deux fois encore vivaces et non entamées par notre civilisation morne, se baigner dans de la tradition, de la force et de la santé. La force et la santé des peuples restés jeunes, vivre dans l'Inde et dans l'Extrême-Orient, dans la clarté du ciel et de la mer, se disperser dans la nature qui seule ne nous trompe pas, se libérer de toutes les conventions et de toutes les vaines attaches, relations, préjugés qui sont autant de poids et d'affreux murs de geôle entre nous et la réalité de l'univers. Vivre enfin la vie de son âme et de ses instincts loin des existences artificielles, surchauffées et nerveuses des Paris et des Londres, loin de l'Europe surtout. Et pourtant l'Italie, l'Espagne, certaines îles de la Méditerranée, la Sicile, la Corse, les matins légers d'Ajaccio, avec le bleu du large apparu entre le cyprès et les pins, les amandiers en fleurs des pentes de Taormine et l'ombre géante de l'Etna sur le rêve antique du théâtre grec, les anciennes îles de l'archipel, certains petits ports de l'Adriatique, les Venises inconnues des côtes de l'Istrie, plus oubliées, plus ruineuses encore dans leur silence ensoleillé que la ville des doges et des palais, et le charme endormeur et profond des villes turques, le narcotique de l'ombre des palmiers. Oui, il est encore loin des Badeker et des Cook, des coins où vivre des heures d'intime et complète volupté. Que dis-je, un esprit qui sait s'isoler peut assumer du bonheur à Tunis, et même à Malte, Malte aujourd'hui infestée d'anglais. Oh, la griserie complexe et salutaire de l'éloignement, maître la mer, des lieux de mer remueuse et changeante, entre soi et ses anciens maux, entre sa ville et celle des importuns. Mais pour cela il ne faut plus connaître personne. N'aimerait-on qu'un chien? Si on le laisse derrière soi, un départ est une petite mort. Bien assez de liens invisibles nous retiennent. Le monde aventureux, nombreux et splendide, guérira seul les plaies, les atroces petites plaies de notre âme moderne, exténuée de lecture, de bien-être et de civilisation. Oh, la cure des longues traversées sous des constellations non déjà vues, la joie cruelle et nostalgique des brèves rencontres, celle de sans lendemain, parce que le paquebot qui vous amena tous deux à Corfou va l'emmener, elle, à Alexandrie. Les minutes vécues doublent, le pouls précipité par la notion de l'irréparable et la prescience du départ. Les âmes bues dans un baiser, les cœurs donnés dans une brusque étreinte, toute une existence laissée dans un serrement de main, toute la science de la vie, telle qu'elle doit être, passionnée, offerte, prise, donnée, puis entraînée dans de l'inconnu et de l'au-delà sans souci des conventions et des préjugés de caste et de race. Cette merveilleuse science de la vie telle qu'elle doit être, de rêve et d'action, lue dans les grands yeux tristes des passagères et les claires prunelles des matelots. Et cela dans quel décor de vieux port de l'islam, devant quelles arabesques de montagnes, la poitrine dilatée par la brise alisée des mers d'Orient, le cœur serré par l'oppression délicieuse de vivre. Voyager, voyager. Il faut aimer les ciels, les pays, s'éprendre d'une ville ou d'une race, mais se détacher des individus. La guérison, le secret du bonheur est là. Aimer l'univers dans ses aspects changeants, et leur merveilleuse antithèse, et leur analogie plus merveilleuse encore. Le monde extérieur nous devient ainsi une source de joie inaltérable et d'autant plus parfaite que notre être en est le seul miroir. Les chocs et les blessures ne nous viennent que des individus. Évitez les gens, évitez Étal, étudiez les races. L'une d'elles vous donnera le regard que vous cherchez, et vous trouverez dans celle-là votre âme désemparée, désorbitée et fiévreuse. Les races, nous avons tous en nous un atavisme qui nous rattache à quelqu'une d'elles, et nous pouvons retrouver notre vraie patrie à des centaines de lieues de notre bourg natal. Comme vous, j'ai eu l'obsession de la mort et de l'horrible. Les masques qui vous hallucinent se précisaient en moi dans une tête coupée. Cela m'était devenu une maladie, une déséquilibrante obsession. Oh, j'ai souffert. J'en voyais partout, partout des rictus de décapités, me raillaient, me sollicitaient. L'hallucination me hantait, surtout dans les banlieues, dans l'abandon de ces routes sinistres qui longent vos fortifications. Et comme j'aimais mon mal en véritable malade, je savais où et comment faire naître la torturante et mauvaise vision. Oh, les nuits de lune, les courses folles dans un fiacre de barrière du boulevard Binot, aux berges de Billancourt, les lentes promenades évocatoires le long des tristes routes bordées de palissades et de quelques rares villas aux volets clos. Comme elle émanait et montait aisément de ces paysages lépreux et pauvres, la suggestion du crime, la floraison du mal qu'aimait en moi Claudius, comme cette province du rôdeur et de la pierreuse était bien celle du cauchemar moderne, et avec quelle complaisance la décevante Astarté, celle qui se refuse si obstinément dans les villes enchantées de l'islam, se livrait alors dans ses atours de goules au bord des terrains vagues et des guinguettes à l'abandon. Et toujours avec Étal, qui s'était fait mon guide, je connus comme vous les connaîtriez la route de la révolte, les carrières de Montrouge et les fours à plâtre de la plaine de Malakoff, toute la sinistre banlieue parisienne où ricane l'Astarté des bouges, des bords empuantis de la Bièvre aux solitudes de Gennevilliers. Ô misère, Gennevilliers, Malakoff, Montrouge, quand il y a le forum triangulaire de Pompéi et les collines fuyantes de Sorinthe et de Castellamare, tout l'enchantement de l'ancienne Campanie, la baie de Naples et la Concha d'Oro, l'arabesque épique du mont Pellegrino à Palerme, les temples d'Agrigente et les carrières de Syracuse, la splendeur de ces latomies funèbres et pourtant si blanches, où les pas remuent la poussière des siècles des tombeaux. Syracuse, Taormine, Agrigente, Catane, tous les bleus souvenirs de la grande Grèce encore endormie sous les oliviers et les chênes verts de la Sicile. Là seulement vous guérirez. Laissez entrer l'univers en soi et prendre ainsi lentement et voluptueusement possession du monde. Voilà le bréviaire du voyageur. Être une cire savante et consciente aux impressions de la nature et de l'art. Trouver dans la nuance d'un ciel la ligne d'une montagne, les yeux attirants d'un portrait, le profil d'un buste de musée ou la silhouette d'un temple, le coït intellectuel et sensuel pourtant d'où naît l'idée rafraîchissante et féconde. La vie et la physionomie d'une ville, avez-vous jamais songé à cela? Épouser une ville comme on épouse une femme, s'en emparer longuement en jouissant de son propre trouble à soi, être l'éveilleur averti de ses propres voluptés, et de chaque analyse faire un pas vers la sublime synthèse qui est la joie quand on sait la vivre. Les villes populeuses surtout, les villes anciennes, riches d'un passé d'aventure et d'histoire, savoureuses comme un fruit mûr et belles du mystère de tant d'existences autrefois vécues, belles de tant d'efforts pour le gain et l'amour, qui luttent encore en elles, les villes maritimes surtout, les Marseille, les Gênes, les Barcelone, les villes heureuses de la Méditerranée, avec le mouvement de leurs ports, la rêverie ensoleillée de leurs vieux quais et cette espèce de fanfare pour l'ailleurs, les pays inconnus et les grèves lointaines, clamées par les agrès, les voiles, les drisses et les matures de tant de navires en partance. C'est là qu'il faut aller mûrir votre spleen au soleil et respirer dans le vent du large le goût de la conquête et de l'action. Les ports, les matelots, race enfantine et cynique, y répandent la gaieté de leurs instincts de mâle embordés et le rêve de leurs yeux naïfs, ces yeux d'eau et de ciel, qu'on est tout surpris de trouver dans des faces rudes et tannées de forbans. Les ports, une population industrieuse, équivoque et cosmopolite y déploie, dans le décor sordide des rues, de pittoresques loques de galériens et de corsaires. La basse prostitution, toute de boue et de crasse, de faim et de misère, dans nos froids pays du Nord, y emprunte au soleil je ne sais quelle beauté. Les filles brutalement offertes ont quelque chose dans leurs accoutrements de lumineux, de criard et d'oriental. Leurs pommettes frottées de fard, leurs yeux charbonnés en fond, sur leurs tignasses toilées de clinquants, autant d'éternelles poupées toutes pareilles, comme un moule unique destiné au trop-plein de la luxure et de la santé des hommes. Et l'amour, y a quelque chose d'animal qui repose et excite à la fois le cerveau des intellectuels. Oh, le continuel aléa d'aventure qui rôde, et lui dans l'œil des passants, les visions d'attaques à main armée, de viols et de coups de couteau qui imposent les angles de certaines rues louches, les rues de Tunis, par exemple, et celles du Vieux-Gênes et de Toulon, et celles de Villefranche, près de Nice, celles du Vieux-Nice même, et dans l'empuantissement des marchés, au milieu des détritus de légumes et de fruits, là seulement Astarté vous apparaîtra dans quelques belles fleurs humaines, robustes et suant la santé, trop roses et trop rousses, avec des yeux mystérieux de bête, telle la bouchère au profil d'Hérodiade, qu'entrevirent les de Goncourt dans le marché des Récollets à Bordeaux. Et vous conviendrez avec moi que les originaux des portraits des musées, ceux-là même qui vous troublent, fleurissent seuls dans le peuple. À Venise, les Dogares de l'Académie et les Santa Orsola du Carpaccio se rencontrent couramment dans la Merceria et les petits canaux de Murano. La cavalierie a vendu des oranges à Naples et Carolina Otero à Cadix. Ce sont peut-être les deux plus belles filles que votre Paris possède. Ô vous que tourmente la maladie de la beauté et qu'opprime l'unanime laideur de nos villes modernes, où les palais sont des banques et les églises des usines, fuyez l'anémie, la chlorose et le vice, pitoyable invention des âmes en détresse, en connivence avec la faim. Fuyez toutes les boues raffinées des Londres d'alcool et des Paris de misère. Partez, allez vivre votre vie ailleurs. Je repars demain pour les Indes. Voulez-vous partir avec moi? Je vous emmène. Je n'ai plus ni obsession ni cauchemar depuis que je vis ma vie, moi. Vivre sa vie, voilà le but final. Mais quelle connaissance de soi-même il faut acquérir avant d'en arriver là? Personne ne nous éclaire. Les amis nous trompent sur nos propres instincts, et l'expérience seule nous les fait découvrir. Nous avons contre nous notre éducation et notre milieu, que dis-je, notre famille, et j'oublie à dessein les préjugés du monde et la législation des hommes. Puis nous rencontrons parfois un étal, et alors il est trop tard pour vivre l'existence, la seule pour laquelle nous étions nés, et cela à l'heure même où nous apparaît notre voix. Trop tard, c'est le croassement ordinaire du destin, en réponse au triste nevermore de l'expérience, jamais plus, jamais plus. Je vous ai vu avant-hier vous débattre en proie à d'horribles visions, pendant cette fumerie d'opium qui n'était pas de l'opium, mais du haschich. L'opium ne se fume pas ainsi, et à cette tromperie, j'ai bien reconnu Étal. Je vous regardais pâlir, suer à grosses gouttes, râler et étouffer, avec des gestes et des mots incohérents, toute une mimique d'agonie où je retrouvais d'affreux souvenirs. Et une grande pitié m'a pris, la pitié d'un malade guéri pour un autre malade atteint de son cas. Une sympathie égoïste m'a poussé vers vous. Ayant cru deviner en nous quelque parité de goût, d'affinité et de souffrance, je suis venu spontanément à vous, et comme je suis le plus vieux, sinon dans la vie, du moins dans son expérience, je suis venu vous prêter mon flambeau et vous crier « Gare !» au bord du précipice. Vous pouvez éviter la chute. » Et j'écoutais cet homme comme on boit un filtre. Autre piste. 16 novembre 1898. Et je ne suis pas parti. La pluie ruisselle, les arbres des avenues se dressent, lamentables, sur un ciel en col de pâte. Dans des flaques d'eau noire, c'est l'horreur des stations de fiacres. Et la bousculade des parapluies, c'est le pari de boue et de spleen de novembre. Et Sir Thomas Wellcome cingle vers le soleil. Un paquebot des messageries maritimes l'emporte vers les Indes odorantes et lointaines, les Indes des forêts de bambous, des étangs sacrés et des temples. Un mot d'étale, une heure d'entretien avec cet Anglais, une soirée passée au cabaret avec lui, ont suffi pour me retenir. Comme il a vu clair dans mon âme, on ne peut rien cacher à cet homme. Je nous revois encore dans la salle commune de ce restaurant, entre les hautes glaces incendiées de lumière électrique, dans l'éblouissement des cristaux des lustres, avec autour de nous tout ce public de filles et d'hommes en habits noirs. On dînait par petites tables. Les filles se ressemblent toutes dans leur nudité diamantée jaillie des corsages et leur maquillage de pastel, toutes sveltes, amenuisées, avec des yeux trop grands et trop mobiles dans des visages ovales, et sous l'ondulation de leur coiffure en conque, s'efforçant toujours d'évoquer l'image de Willy, ce type à la fois vaporeux et aigu de la fin du XVIIIe, que la folie du bibelot et l'agiotage des brocanteurs ont mis à la mode, finit par imposer dans le monde de la haute banque et des grands cercles. Dans la travée des tables, c'était le va-et-vient continuel des arrivées et des sorties. Les effets des somptueux manteaux de soir, le miroitement des soies et des gaz, les bonjours et les bonsoirs criés d'une table à l'autre avec des voix de tête, les petits coups d'œil de satisfaction des hommes, l'air volontairement froid, leur ennui affiché, tous les gestes pour la galerie, toute la comédie coutumière de cette ménagerie de luxe qu'est un restaurant de nuit. Pourquoi Claudius m'avait-il conduit dans ce cabaret, lui qui connaît ma haine de la galanterie et du monde? Et comme exaspéré par toutes ces mines, ces œillades fardées et ces sourires de lupanard, je revivais par contraste les larges échappées vers la vie libre et saine de l'entretien de l'avant-veille, l'ivresse des instincts et des civilisations jeunes dans le bleu du ciel et le bleu de la mer, toute la santé et la force des existences au soleil. Comme je lui vantais en un mot tout le filtre d'énergie que m'avait versé hier l'enthousiasme de Wellcome, « Oui, je connais le couplet », avait tout à coup ricané Claudius. « Bilbao, Marseille et Barcelone, les prunelles claires des matelots, la science et la vie, l'amour de l'action a pris dans les grands yeux des passagères et dans l'argot des rouleurs de quai, sans doute. Je reconnais bien là ce cher Thomas. » Mais il ne vous a pas tout dit. À côté des êtres d'instinct et de passion qu'enfante une grande ville maritime, ses chantiers et son port, il y a aussi les créatures de luxe et d'exception, aussi prévues que les goules enjoyées dont la présence ici vous excède, effrayants produits comme elles, de la luxure cosmopolite et de l'ennui des civilisations. Cela, Sir Thomas ne vous en a pas parlé. Mieux, il a négligé de vous en esquisser le portrait, car il fait partie de la bande des blasés et des chercheurs d'impossibles qu'on retrouve partout, à Bahia comme à Marseille, à Tanger comme à Cadix, à Toulon comme à Brest, au Havre comme au Caire, roulant la lie de leur âme fangeuse et fine, dans les fumeries d'opium comme dans les music-halls, et les American Store. Voulez-vous leur signalement? Femme à la silhouette androgyne, vêtue de drap bleu de matelot, anglais millionnaire au teint cuit de Porto, nuque hâlée et violente, regard aigu et pâle, l'armée des juifs errants de l'ivrognerie et de la perversité, que vous connaissez aussi bien que moi, puisque vous avez été à Alger au Caire. Tous ceux qui, désœuvrés, désemparés ou déclassés, vont promener par la mer remueuse la fièvre de leur sens excédé ou le renom gênant de leur tare. Ah, Sir Thomas Wellcome se prétend guéri. Il vous l'a dit, n'est-ce pas? Eh bien, il a menti. Il vous a trompé, comme un misérable possédé qu'il est, car dans les rues montantes de la Casbah, pas plus qu'autour des mosquées du Caire, dans le clair-obscur des souks de Tunis, pas plus que dans les huttes de boue et de roseaux des villages du Nil, il n'a jamais rencontré les liquides yeux verts dont la lointaine et captivante promesse lui a fait tout abandonner, les êtres chers comme les habitudes invétérées, plus fortes souvent que les affections. Je le sais de lui-même. Avec moi, il ne ment pas. Il ne peut me mentir. Et partout dans les ruelles assourdissantes de Constantine comme dans les cafés morts de Biskra, la déesse syrienne, l'enivrant fantôme d'Orient, Astarté l'a partout déçu, partout trompé, lui a partout menti, comme il ment lui-même, épris du mensonge qu'il poursuit. J'ai voyagé des années avec lui. Les avons-nous pourtant assez suivis, les femmes empaquetées de soieries et de voiles des pays du soleil, femmes arabes ou mauresques, se rendant soit à la mosquée, soit au bain, quand elles descendaient trébuchantes les degrés des ruelles baignées d'ombre. Avons-nous assez longtemps interrogé sous le haïk leurs longues yeux d'extase et de langueur, ces yeux uniformément mouillés de colle, implorants comme ceux des gazelles, mais quand on les regarde bien, brillants et durs comme la prunelle miroitée des oiseaux, vides et froids yeux de jais, car tous les yeux sont noirs sous ces ciels de lapis, et aucun des êtres rencontrés là-bas, autour de la pyramide de Khéops comme dans le désert, de pierre de Pétra, ne tiendra la promesse d'Astarté. Ni Louled Neil, ni même Lani Efela, nul d'entre tous ces animaux d'Orient, n'a su nous offrir le terrible et doux regard d'aigle marine que Thomas cherchait et qu'il poursuit encore, tout guéri qu'il se prétende. Au fond, bien plus malade que vous, mon pauvre ami, oui, que vous. Sir Wellcome est le pire des possédés. Si j'ai tenu à vous le faire connaître, c'est justement pour vous faire toucher du doigt votre mal, et vous prouver que la guérison n'est pas là-bas, mais ici, où la dernière de ces femmes, ou la première à votre gré, peut vous donner le regard introuvable, sous l'impression d'un sentiment que vous devinez. Oh, ce n'est ni le désir, ni l'amour, vous êtes trop riche pour les inspirer. Et c'est... Je vous le dirai si vous me promettez de ne pas partir, si vous me donnez votre parole de ne pas essayer de rejoindre Sir Thomas Wellcome, dont vous allez, je gage, recevoir demain un télégramme daté de Nice ou de Marseille. Mais ce salmi de Bécasse se refroidit. Vous savez, cher ami, que la Bécasse n'attend pas. 19 novembre 1898. Le Lahore part lundi, vous avez le temps de faire vos malles. Bouclez-les et venez me rejoindre à l'hôtel de Noailles. Le Lahore est le premier marcheur de la compagnie. Nous le serons le 5 janvier à Singapour. Welcome. Claudius avait deviné juste. J'ai trouvé ce télégramme en rentrant chez moi. Le montrerai-je à Ethan? 20 novembre 1898. Je le savais. Et Claudius pose négligemment la dépêche entre nos deux couverts. Nous déjeunons ce matin ensemble, et après les huîtres, je n'ai pu résister à l'envie de lui communiquer le télégramme. Il n'a pas eu le sourire sardonique que je prévoyais. Son triomphe a été le plus naturel. Il a redemandé du cumin au maître d'hôtel, car il assaisonne tout ce qu'il mange d'un tas de condiments exotiques et bizarres, a exigé du céleri et du safran pour se confectionner dans un ravier je ne sais quel hors-d'œuvre à saveur violente, y a trempé une langue délicate, et puis revenu tout à coup à la conversation. « Alors vous ne partez pas ? Eh bien tant mieux. Sir Thomas Walcombe a eu jadis à Londres une assez fâcheuse histoire, et j'eusse été en peine de vous savoir voyageant avec lui. Comment vous me laissiez ? Pardon, j'aurais influencé votre détermination si je vous avais prévenu avant décision précise. Nous autres Anglais, nous avons le respect absolu de la liberté d'autrui. Vous étiez libre de partir, et j'avais le devoir de vous laisser cette liberté entière. J'ai pu vous avertir de l'inutilité de votre voyage et vous convaincre, par l'exemple même de Thomas, de la vanité de vos efforts. Thomas, vous avez menti en vous vantant sa guérison. J'avais le droit de détruire son mensonge, puisqu'il en avait fait un argument. Mais je n'avais pas celui de vous révéler sur Welcome un détail de sa vie ou de son passé, qui eût pu, sinon vous détourner de partir, du moins vous donner à réfléchir. Il y a donc sur lui ? Et Claudius, sans même relever mon objection ? Maintenant que votre décision est prise, je puis vous apprendre ce qu'on appelle à Londres la malheureuse aventure de Sir Welcome et le danger que vous avez couru. Un danger, et vous ne me préveniez pas. Vous me laissiez de gaieté de cœur courir au-devant. Parfaitement. On n'évite pas sa destinée. Et puis, n'auriez-vous pas tout mérité par votre manque de confiance envers moi ? Me suis-je été une traîtrise ? Pas pire que la vôtre, puisque je vous ai promis la guérison et que vous changiez de médecin. Et l'histoire de Thomas, la malheureuse aventure de Sir Welcome, comme vous dites à Londres ? Ah, quelle importance ! Modérez-vous, je ne serai pas assez naïf pour vous la conter. Vous pourriez me soupçonner de l'avoir inventée pour les besoins de la cause. Testis unus, testis nullus. Je vous la ferai détailler tout au long par un de mes compatriotes, Sir Harry Moore. Moore, le gros entraîneur de Maison Lafitte. Nous le trouverons certainement ce soir à 5 heures au Tattersall, ou vers minuit au bar de la rue Aubert. Inutile d'insister, je ne vous dirai rien. Vous seriez en droit de suspecter mon dire. Laissez-moi seulement vous féliciter d'avoir su résister à la mélancolie éloquente des grands yeux de Thomas. Ils ont la réputation d'être très persuasifs. Que voulez-vous dire ? Rien. Harry Moore vous expliquera. Voulez-vous, en attendant 5 heures, aller chez Jane de Morel ? Jeanne de Morel ? Oui, le 62 de la rue Washington. J'ai reçu ce matin une circulaire, tout un arrivage de province, de vraies primeurs, dont une petite de Bayonne. Ces basquaises sont d'une pureté de forme et d'une élégance rare sur le marché parisien. Et puis il y a parfois de beaux yeux celtes parmi ces populations des Pyrénées, des yeux qui ont reflété l'eau des gaves, l'eau froide et verte des torrents. Dans un visage ambré, ces sortes d'yeux sont singulièrement éclairants, et puis ces petites de province qui ne sont pas rompues au métier ont parfois aussi de jolis gestes effarouchés, des semblants de pudeur, des reculs de biche traqués. Ce sont de vrais claviers de sensations. Quand on sait doser avec elles la surprise et l'épouvante, on peut obtenir de jolis regards. C'est un si puissant piment de volupté, un tel agent nerveux que la terreur.